طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue le kitab Tawhid. On est rendu au cours 26, au cours numéro 26. Hier c'était le cours 25. On a parlé hier, on a fait un résumé du verset ou de l'explication du verset. On a mentionné les points importants qui avaient été mentionnés dans le verset. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et on a commencé par la suite à expliquer le début du hadith d'Ibn Abbas qui mentionne l'histoire lorsque Mu'adh ibn Jabal a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens du Yémen. Hein? Et on a expliqué que les gens du Yémen ce sont des gens du livre. Et donc on était rendu à expliquer la partie de ce hadith où on mentionne que les gens du Yémen sont des gens du livre, Ahlul Kitab. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le hadith, mais je vais juste mentionner la signification du hadith en français, avant de commencer à lire la suite de l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de ce hadith-là. Et c'est le hadith c'est un hadith rapporté selon Ibn Abbas, radiallahu anhumah, et le hadith il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et il lui a dit, avant de l'envoyer, il lui a dit comme conseil, hein, il a dit, tu t'en vas vers des gens qui font partie des gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah, ou bien que ce soit dans une autre version, c'est-à-dire que tu les appelles à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et là, ayy wahidullah. Et s'ils t'obéissent dans ça, s'ils t'écoutent et ils t'obéissent dans ça, alors ensuite de ça, enseigne-leur qu'ils doivent faire 5 prières durant le jour et la nuit. Et ensuite, s'ils t'obéissent dans ça, enseigne-leur que Allah leur a ordonné de donner une somme d'argent, une sadaqa, une aumône, qui est prise des riches parmi eux pour être distribuée aux pauvres d'entre eux. Et s'ils t'écoutent dans ça, alors prends garde de ne pas prendre le meilleur de leurs biens et crains l'invocation de l'opprimé parce qu'il n'y a pas de voile ou de barrière entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et c'est un hadith sahih. Ok? Et donc on va continuer donc l'explication du hadith. Tel que le Cheikh Saleh Al-Fawzan l'a expliqué. Et il dit, Ahlul Kitab, Al-Murad Bihim, Al-Yahoud wa Al-Nasara. Summu Ahlul Kitab, ou Ahlul Kitab, Li'anna Allah anzala alayhim al-Tawrah wa al-Injil. Al-Tawrah ala Musa wa al-Injil ala Isa. Alayhim al-Salatu wa al-Salam. Fasummiya Adba'u al-Rasulayn, Ahlul Kitab. فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالرسل. Donc le Cheikh il explique, il dit que les gens du livre qui sont-ils? Ce sont les juifs et les chrétiens. on les a appelés les gens du livre, Ahlul Kitab, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé un livre à chacun d'entre ces deux groupes-là, aux chrétiens, al-Nasara, il a révélé al-Injil, et aux juifs, il a révélé al-Tawrah. Et al-Injil s'était révélé à Isa, et al-Tawrah s'était révélé à Moussa, alayhi wa salam. Et on les appelle, les gens de ces, qui ont suivi ces deux messagers-là, on les appelle les gens du livre, pour les distinguer des autres parmi les koufars qui n'ont pas reçu de livre. Bizarre ce micro. Non. Donc c'est pour les distinguer des autres mushrikin et des autres koufars qui n'ont pas reçu de livre et qui n'ont pas cru au messager. Et ça c'est une des grandes distinctions entre les gens du livre et ceux qui n'ont pas reçu de livre. Pourquoi on appelle les juifs et les chrétiens les gens du livre? Il y a des musulmans, il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui s'imaginent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars parce que Allah les a appelés des gens du livre. Donc ils pensent que le fait que Allah les a appelés gens du livre, ça veut dire qu'ils sont des croyants. Mais ça, c'est pas ça que ça veut dire. Quand on dit qu'ils sont des gens du livre, c'est pour les distinguer des autres mouchtikines et des autres koufars qui n'ont pas reçu de livre et qui n'ont pas cru aux autres messagers. Hein. Donc ça fait quand même une grande différence du fait que, par exemple, quelqu'un ait reconnu la véracité des livres qui ont été révélés avant le Coran et qui a cru, des gens qui ont cru aux messagers qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres peuples qui n'ont aucune connaissance et qui n'ont jamais cru en aucun livre et en aucun messager. Hein. Donc, ils ont, ceux qui ont reçu un livre et qui ont cru aux autres messagers, ils ont quelque chose de commun quand même avec nous, du fait qu'il y a des ressemblances ou il y a des liens, des choses qui nous relient. Quand tu parles avec un juif, quand tu parles avec un chrétien, tu es capable de leur expliquer des choses qu'ils vont comprendre, parce qu'il y a des choses qu'on a en commun dans les bases de notre religion, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils la connaissent puisqu'elle est mentionnée dans leur livre. Hein. Et les messagers, en partant de Noé, en parlant de Ibrahim, Noé, Adam, et tous les autres messagers et les autres prophètes qui ont été mentionnés auparavant, Moussa, yani Ismaïl, Daoud, Yaqub, tous les messagers d'Allah, ils sont mentionnés dans leurs livres. Donc quand tu leur parles, quand tu leur expliques, tu peux leur expliquer par rapport à des choses qu'ils ont déjà entendues, qu'ils connaissent. Tandis que si tu vas parler avec des hindous, ou avec des bouddhistes, ou avec des animistes, ou avec des amérindiens, ou des gens qui ont eu d'autres croyances, qui sont remplis de shirk, mais qui n'ont pas eu la connaissance des révélations qui ont été données aux autres prophètes, c'est plus difficile de faire une relation. Mais ça veut dire que c'est pas possible du tout. Hein, puisque regardez par exemple, les Arabes, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils n'avaient pas reçu de livres, ils n'avaient pas reçu de messagers. Et c'est pour ça que on les appelle pas les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Quraysh, on les appelle pas Ahlul Kitab. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le livre, justement parce qu'ils n'avaient pas reçu le livre et pas cru en des messagers. Donc, c'est pour distinguer ceux-là de ceux-là, mais ça veut pas dire qu'on peut pas non plus les appeler, on peut quand même les appeler. Et même si on dit que les gens du livre ont reçu un livre, ça veut pas dire qu'ils sont des croyants, ça veut dire qu'ils sont des koufars, ils sont des mécréants. Toutefois, ils sont plus proches de nous que ceux qui n'ont pas reçu le livre. Donc, ça c'est un point qui doit être clairement compris, inshallah. Cheikh dit, « وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة وفي هذا أنه يجب على الداعية معرفة حالة المدعوين. وهذا هو منهج أو هذا من منهج الدعوة، أن ينظر الداعية إلى حالة المدعوين ويخاطب كلا منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواما يخاطبهم بما يليق بهم. الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أن يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أن يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أنه بخطاب يخاطب السلاطين بخطاب عامة الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين. كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق. قال الله تعالى لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Donc le cheikh il explique un point très important dans la da'wa. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué à Mu'ad qu'il s'en allait vers des gens qui font partie des gens du livre, et ça c'est pour qu'il soit préparé, c'est-à-dire pour qu'il se prépare lui-même, c'est-à-dire qu'il va devoir affronter ou parler avec ces gens-là, et que c'est des gens avec qui il va devoir débattre et argumenter pour leur prouver et leur montrer la vérité. Et donc c'est pour, en fait, pour qu'il se prépare lui-même et pour qu'il soit et pour qu'il sache à quoi s'attendre de la part de ces gens-là, d'accord. Et le cheikh il dit que donc ça également ça nous montre un point important aussi, c'est que on doit prendre en considération toujours l'état de la personne qu'on appelle lorsqu'on lui fait da'wah, d'accord. Et c'est donc c'est une des méthodes, c'est un principe dans la méthodologie de da'wah qu'on doit toujours regarder l'état de la personne qu'on appelle. Donc une personne qui veut que sa da'wa soit effective et qu'elle ait des bons fruits, qu'elle produise des bons résultats inshallah par la permission d'Allah, eh ben il doit regarder l'état de la personne à qui il s'adresse. Hein? Il ne va pas s'adresser à n'importe qui de n'importe quelle façon. Le chef explique que chacun il doit être adressé, on doit s'adresser à lui de manière qui lui convient. Si tu t'adresses à des savants, eh ben tu vas leur parler d'une façon qui leur convient. Tu vas pas parler à des savants comme tu parles avec des gens qui n'ont pas de connaissances ou qui sont ignorants. De la même façon, tu vas pas t'adresser à des ignorants, de la même façon que tu parles avec des gens qui sont savants. Parce que les gens sont pas tous au même niveau et les gens sont pas tous au même degré. Donc, c'est ça le point que le chef essaie d'expliquer. De la même façon que tu vas pas t'adresser à des dirigeants ou des gens haut placés, des gens qui ont une autorité, et tu vas pas t'adresser à eux de la même façon que tu t'adresses à des gens ordinaires. Tu comprends? Parce que ça convient pas de s'adresser à des gens haut placés ou importants ou qui ont une autorité de la même façon que tu t'adresses aux gens ordinaires. Ou vice versa. De t'adresser à des gens ordinaires de la même façon que s'adresse aux gens qui ont une importance dans la société, d'accord. Et pareil, pour donner une preuve de ça et un exemple en même temps, eh ben, le chef il donne l'exemple de Moussa et de Haroun lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés tous les deux pour aller parler à Pharaon qui était le dirigeant de l'Égypte à cette époque et qui était un homme qui avait une grande autorité puis une puissance par rapport à vis-à-vis de son peuple et qui était très respecté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah Taha, le verset 44, que lorsqu'ils vont aller tous les deux pour s'adresser à Pharaon, de s'adresser à lui d'une manière qui est douce, et qui est polie et douce, comme ça, il va pouvoir se rappeler et craindre son Créateur. Donc, c'est pour essayer de nous faire comprendre en même temps que il faut parler à chaque personne d'une manière qui va faire en sorte qu'il va être plus facile pour lui d'accepter la vérité qui va lui être présentée. Ok? Donc ça c'est un point important aussi. Après le cheikh il dit وَقَوْلُهُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهَذَا فِيهِ التَّدَرُّجُ فِي الدَّعْوَةِ وَأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الرُّسُلِ أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين. فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس أولا، وهذا بخلاف كثير من الدعاة اليوم الذين لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله، وإنما يدعون الناس، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى المعاملات الحسنة وإلى الحكم بما أنزل الله وإلى وإلى، ولكن التوحيد لا يذكرونه ولا يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith là que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah. Donc ça indique qu'il doit y avoir c'est-à-dire il doit y avoir des étapes dans le da'wah. Il faut y aller étape par étape et il faut pas sauter ces étapes là. Donc tu commences toujours par ce qui est le plus important et ainsi de suite. Tu vas pas, comme le cheikh il dit, tu vas pas passer par quelque chose qui est secondaire avant d'avoir établi la base. D'accord? Et c'est pour ça que quand on regarde la da'wah des messagers, ils ont toujours commencé leur da'wah par le témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est le fondement. Et c'est sur ça que tu dois tout baser le reste de la religion. Donc si tu as réalisé et vraiment accompli et compris et respecté le témoignage de la ilaha illallah, alors par la suite c'est possible de construire par-dessus ça tous les autres principes de la religion et tous les autres aspects de la religion. Mais si tu n'as pas encore établi et respecté la signification du témoignage de la ilaha illallah, alors tu ne peux pas construire rien par-dessus des autres aspects de la religion islamique. C'est comme si, comme le cheikh il donne des exemples, il n'y aurait aucun intérêt à pratiquer les autres aspects de la religion tant que tu n'as pas respecté le plus important et la base. C'est comme si tu veux construire une maison sans construire de fondation pour cette maison-là, et donc celui qui construit sa maison sans fondation, et bien cette maison, elle risque de s'écrouler, de s'effondrer à n'importe quel petit coup de vent et n'importe quelle secousse qui risque de venir l'ébranler. Et donc c'est ça que le chef essaie d'expliquer. Il donne des exemples, comme par exemple, tu vas voir que des gens par exemple qui font le shirk, tu vas pas aller puis commencer à leur dire vous devez faire la salade parce que vous faites pas la salade. Parce que même s'ils font la salade alors qu'ils sont en train de faire le shirk, eh bien leur salat sera même pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. De même que tu vas pas leur ordonner de faire le jeûne, ou de donner de l'aumône, de donner une zakat, ou de garder les liens de parenté, ainsi de suite, ainsi de suite, alors que ce sont des gens qui commettent le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes ces actions-là, qui sont des actions de bien, s'ils les font alors qu'ils sont en train de commettre du shirk, eh ben ces actions-là ne seront pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne seront pas récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer, comme le cheikh explique, par le tawhid et par la ilaha illallah. Donc il dit, toi si tu n'as pas établi la base en premier, ben tu peux pas rien établir du reste. C'est comme dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, on a vu qu'il y a des musulmans qui ont organisé une journée Ramadan. Et la journée Ramadan, c'était pour inviter les musulmans à jeûner, non, inviter les non-musulmans ou les gens de n'importe quelle religion à jeûner avec les musulmans pendant une journée ou une moitié de journée, une partie d'une journée, puis y aller, de partager avec les musulmans un repas d'iftar. Et donc, ça c'était pour dire qu'ils voulaient que les non-musulmans soient solidaires avec les musulmans, puis qu'ils comprennent un petit peu de la, qu'est-ce que ressentent les pauvres, de la faim et des choses de ce genre. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a expliqué que c'était pas de cette façon-là qu'on doit appeler les gens à l'islam. C'est par là, c'est par là, madame. Et là, c'est en haut. Donc c'est pas de cette manière-là qu'on doit appeler les gens à l'islam. On doit commencer par leur expliquer la ilaha illallah, la signification du tawhid, et pas faire des journées du ramadan pour les appeler à jeûner alors qu'ils n'ont même pas compris pourquoi ils jeûnent et pour qui ils jeûnent, hein. Et c'est pas le jeûne, c'est pas juste pour sentir qu'est-ce que ressentent les pauvres, sinon on n'aurait pas besoin d'être musulman pour faire ça, n'importe qui pourrait faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une action sauf si elle est faite uniquement et purement pour lui, et de la façon qu'il nous l'a demandé, donc de jeûner une moitié de journée, ça ne compte pas. Hein, et de gêner pour autre qu'Allah, ça ne compte pas. Donc c'est pour ça que le tawhid doit être établi. Et le chef, il dit, on voit que beaucoup de gens qui appellent à l'islam aujourd'hui, ils ne donnent aucune importance ou très peu d'importance au témoignage de la ilaha illallah. Et ils ne font qu'appeler les gens à, par exemple, abandonner certains grands péchés, comme par exemple d'abandonner riba ou d'abandonner les interactions. Ils appellent les gens à abandonner le riba et les transactions de riba, oui, boire de l'alcool, faire la fornication ou le zina ou les autres péchés, et ils appellent les gens à, par exemple, agir bien avec les autres, avoir un bon comportement, un bon khuluq, des choses de ce genre. Ils vont dire aux gens, il faut juger selon la loi d'Allah, dans les règles et dans la société, dans la politique et dans les autres aspects de la vie, et ils appellent donc à toutes ces choses-là qui font partie de l'islam et qui sont des choses de bien, mais ils ne mentionnent jamais le tawhid, ils ne s'y retournent jamais. Allah al-Musta'an. Et c'est par esprit probablement, Allahu a'lam, pourquoi ils n'en parlent pas. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, certains d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler uniquement, par exemple, s'ils parlent de tawhid ou de shirk, ils vont juste parler de tawhid. Par exemple, ils vont donner des exemples de tawhid. Quand ils parlent du tawhid, ils parlent du shirk, des choses qui s'opposent au tawhid, comme le shirk al-khafi, des exemples de shirk mineur, shirk mineur, comme par exemple le fait de faire des actions mais de pas les faire uniquement ou purement pour Allah, de faire des actions avec du riya dedans, comme si tu fais quelque chose pour te montrer ou pour que les gens te glorifient. Quand il parle de shirk, il parle uniquement de cet exemple-là de shirk. Ou quand il parle de l'adoration des idoles, c'est comme si pour eux, l'adoration des idoles, ça n'existe plus. Et donc quand ils vont parler de shirk, des idoles, ils disent ça c'était avant, aujourd'hui il y a d'autres formes de shirk, comme par exemple le fait de, par exemple, que les gens aujourd'hui ils adorent l'argent, et ils adorent les grandes marques, de comme Coca-Cola puis d'autres, ils mentionnent d'autres marques comme ça, comme si de boire du Coca-Cola c'est shirk, ou de porter des souliers Nike c'est shirk. Et allez, ils mélangent tout, hein. C'est comme, je suis en train de, en ce moment, de préparer une réfutation d'un des personnages en Europe qui est soi-disant un da'ia à l'islam. Et puis je suis en train d'analyser sa compréhension du tawhid, et parce que je suis en train de rassembler toutes les paroles qu'il a dites sur la signification de la ilaha illallah et sur le tawhid, et qu'est-ce qu'on en ressort à la fin, c'est une compréhension vraiment tordue et qui démontre en réalité une grande ignorance de la réalité du tawhid. Et puis quand on va, Inch'Allah, quand j'aurai terminé, je vais la mettre en ligne sur internet, puis tout le monde pourra, Inch'Allah, la télécharger, puis voir en réalité comment certains personnages qui sont respectés comme étant des grands du'at et des personnages importants dans la communauté soi-disant musulmane francophone qui appellent à l'islam, ben en réalité c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de la base de l'islam qui est la ilaha illallah. Et donc ça confirme qu'est-ce que le chef explique ici quand il dit que il y a beaucoup de du'at qui ne donnent pas d'importance à la signification de la ilaha illallah. Donc le chef il dit que ces gens-là, ils se tournent très rarement à la ilaha illallah, et c'est comme s'ils considèrent que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite le chef dit, فَهَاُولَا مَهْمَا اتَّبَعُوا مَهْمَا أَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ فَإِنَّ عِلْمَهُمْ لَا يَنْفَعُ حَتَّى يُحَقِّقُوا الْأَصْلُ وَالْأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ أُمُورُ الدِّينِ من حاكمية ومن صلاة ومن زكاة ومن حج إلى آخره. هذا منهج الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ذكر الله عن نوح أنه قال أول ما قال لقومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان. فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة يبدأ بشهادة لا إله إلا الله، فيدعو إلى التوحيد وإلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين. أما أن يبدأ بالعكس فيبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية ويترك الأصل، فهذا العمل لا ينفع. فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيدا عن الربا ويحافظ على الصلاة وتمتلئ المساجد وكل الأعمال تعمل، ولكن ليس هناك إخلاص في التوحيد، فهم يدعون غير الله ويدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وصاموا. Donc le cheikh explique encore une fois ce principe d'une façon très claire et avec beaucoup d'exemples et de preuves. Il mentionne maintenant et il dit, donc ces gens-là, peu importe à quel point ils vont se fatiguer eux-mêmes à faire toutes sortes d'actions et d'adorations, eh bien ça n'aura aucune valeur et aucune yani importance ou profit ou bienfait pour eux. Tant qu'ils n'ont pas réalisé le fondement et la base sur lequel on doit établir tous les autres aspects de la religion, que ce soit de juger selon les règles de la charia, ou de faire la salat, ou de faire la zakat, ou de faire le hajj, ainsi de suite. Ça, c'est la voie des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie des prophètes. Allah, il mentionne dans Surat al-Nahl, le verset 36, « Et nous avons ressuscité dans chaque nation un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tawhid. » Et la même chose a été mentionnée, Allah il a mentionné à propos de Nuh alayhi salam, lorsqu'il a dit à son peuple, la première chose qu'il a dit à son peuple c'était quoi? C'était, et nous avons envoyé Nuh à son peuple, ou vers son peuple, et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Ça c'est le verset 23 dans Surat al-Mu'minun. Dans le verset 65 de Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et au peuple de Ad, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé leur frère Hud, et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et dans le verset 73 de Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et vers Thamud, nous avons envoyé leur frère Salih, et il a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Vous n'avez pas de ilah en dehors de lui. Il n'y a rien en dehors de lui qui mérite votre adoration. Hein, c'est uniquement Allah, votre créateur, qui mérite cette adoration-là. Ensuite, il mentionne le verset 85 dans Surat Al-A'raf qui dit « Et vers Madian, nous leur avons envoyé leur frère Shu'aib. Et il leur a dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Vous n'avez pas de ilah en dehors de lui et ne diminuez pas la balance et la quantité lorsque vous mesurez une quantité pour les gens et que vous vendez et achetez des choses. » Donc, on voit que même dans cet exemple-là à propos de Shu'aib, hein, il y avait des gens à cette époque-là qui trichaient dans la balance lorsqu'ils vendaient des trucs. Ils vendaient des marchandises, ils pesaient pas la vraie quantité. Hein, ils trompaient les gens dans leur la quantité et dans le poids. Et donc, c'était pour faire comprendre que, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils n'ont pas commencé, hein, Shu'aib n'a pas commencé à dire à son peuple, arrêtez de faire de l'injustice, arrêtez de tricher avec la balance. Il a commencé par corriger la question qui a rapport avec leur aqidah, avec le tawhid. Il leur a dit, Abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. Parce que c'est ça le plus dangereux, c'est ça le plus grave. Toutefois, les questions qui sont par rapport à l'injustice et les mensonges et la tricherie qu'ils peuvent faire par la suite, ça va venir par la suite. Mais le plus important, c'est l'aqida, c'est la base. Donc, le cheikh dit, chaque messager, la première chose par laquelle il commençait dans sa da'wah, il commençait toujours par le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Donc, il appelait les gens au tawhid et à corriger leur aqida. Puis ensuite, il leur enseignait et leur commandait d'appliquer, de respecter tous les autres commandements de la religion. Mais si tu fais le contraire, c'est-à-dire que tu commences par tous les aspects de la religion autres que le tawhid, tu commences par les choses qui sont des parties de la religion ou des branches qui découlent de ces fondements-là, mais tu abandonnes le fondement lui-même, hein, et bien toutes tes actions n'auront aucun profit ou aucun bienfait pour toi. Hein, et donc le chef il donne comme exemple, il dit supposons que toute la société commençait à s'éloigner du riba et commençait à respecter la prière et que toutes les mosquées étaient remplies à chaque prière et que les gens appliquaient toutes les actions qu'ils devaient appliquer mais qu'ils n'avaient pas respecté la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'avaient pas établi le tawhid et qu'ils invoquaient d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ceux qui invoquent les awliya, les saints ou bien les salihin, les hommes pieux et les prophètes et les tombes comme ceux qui adorent les tombes et qui invoquent les gens qui sont enterrés, alors il n'y aurait pour eux aucun profit et aucun intérêt dans toutes les bonnes œuvres qu'ils peuvent faire, parce qu'ils n'ont pas été musulmans encore. Tant qu'ils n'ont pas établi l'unicité d'Allah, ils ne sont pas considérés comme étant musulmans, même s'ils font la salat et même s'ils font le jeûne du Ramadan. Parce que la base pour dire que quelqu'un est musulman, c'est qu'il accepte la base de l'islam, c'est-à-dire la ilaha illallah. Donc d'accepter les actions de l'islam sans accepter la base, c'est pas avoir accepté l'islam du tout. Donc le cheikh il continue ensuite et il dit wa fi riwaya ila an yuwahhidullah. C'est-à-dire dans une autre narration, le cheikh il dit que dans une autre narration de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ila an yuwahhidullah. C'est-à-dire que lorsque Mu'ad va vers les gens du Yémen qui font partie des gens du livre, les chrétiens et les juifs, il doit commencer par les appeler à l'unicité d'Allah, de dire la ilaha illallah, et dans une autre narration, d'unifier Allah, ilaha illallah. Et en fait, ça c'est un point important aussi, juste en passant que je rajoute, pour faire comprendre que ça prouve que les chrétiens et les juifs n'ont pas établi la vraie signification de la ilaha illallah. Et donc ils ne sont pas considérés, selon le Coran et selon la Sunna, comme étant des monothéistes. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui disent, lorsqu'ils parlent des religions comme l'islam, le judaïsme et le christianisme, ils disent les trois religions monothéistes, eh bien, à la base, c'est vrai que dans l'enseignement de ces messagers-là, ils étaient monothéistes, c'est-à-dire Moussa et Isa, ils ont enseigné aux gens le monothéisme. Mais, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que ces gens-là se sont détournés des bases et des fondements de leurs messagers, et donc aujourd'hui, ils ne sont plus monothéistes, hein, parce qu'ils ont déformé le message que leur prophète leur avait enseigné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous parlez avec des chrétiens, ils vont vous dire qu'ils prient Jésus, ils prient Marie, ils prient Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, Saint-je-sais-pas-quoi-encore, Saint-Michel, ici il n'y a pas une rue excepté qu'elle a le nom de Saint devant son nom, donc c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là ils ont un nombre incroyable de saints, et ils prennent tous ces saints-là comme des intermédiaires entre eux et Allah dans leur adoration. Et donc ça c'est une des plus grandes formes de shirk, ça c'est l'exemple pour des gens qui prétendent être monothéistes, mais qu'en dehors d'Allah, ils ont pris entre eux un nombre interminable de divinités, yani, qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Non. C'est vrai. Donc, comme le fait, il mentionne, il dit, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, qu'il y a des soi-disant du'as qui, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils commencent jamais par le tawhid et ils n'expliquent jamais le tawhid comme il faut. Et ils donnaient l'exemple que certains d'entre eux qui parlent uniquement de shirk al-khafi, le shirk qui est caché comme arriya ou des choses de ce genre. Et il dit que, c'est, par exemple, ils vont parler du tawhid al-ruboubiya seulement. Et ça, c'est vrai. Quand ils parlent de tawhid, c'est juste de reconnaître qu'il y a un seul maître, un seul créateur, un seul pourvoyeur pour l'univers, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir seulement. Et de reconnaître qu'il y a juste un créateur, pour eux c'est ça le tawhid, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et même les gens de Quraysh, ils croyaient en ça déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça dans le Coran dans plusieurs versets. « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna Allah » Le fait de dire qu'il y a un créateur, même les gens qui adoraient les idoles autour de la Kaaba avant l'islam et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de Quraysh, eux aussi, ils disaient qu'il y a un seul créateur, il y a un seul maître, il y a un seul qui a tout créé, mais ils continuaient quand même à prendre des intermédiaires entre eux et Allah. Donc ça, ça les sauve pas. Et tu vois certains des doigts, comme le fait, il mentionne, qui se concentrent uniquement sur cet aspect-là du tawhid. Mais c'est pas cet aspect-là qui est le problème fondamental entre les musulmans et les mushrikines. C'est le problème dans tawhid al-ibad, dans l'adoration. Hein? Comme le frère il dit, il y a des musulmans aujourd'hui qui font les mêmes aspects, les mêmes formes de shirk que les chrétiens qui prennent des saints et des tombes en dehors d'Allah comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et comme le frère il dit, il y en a quand ils parlent de shirk, ils vont uniquement mentionner l'adoration des idoles. Comme les bouddhistes, les hindous et les gens de Quraysh à l'époque qui se prosternaient devant des idoles ou qui priaient devant des idoles. Et donc ils s'imaginent que le shirk est restreint et limité à cette forme de manifestation-là. Et c'est pour ça que pour se sauver de ça, pour dire bon, dans les musulmans, il n'y a pas un musulman aujourd'hui qui va mettre une idole dans la mosquée puis qui va commencer à se prosterner devant une statue. Hein? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un, un musulman, qui va faire une chose pareille. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas adorer une statue. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de... Bon, premièrement, ils vont pas accepter de parler du fait qu'il y a des musulmans qui adorent des hommes pieux ou des saints. Et qu'ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. Donc, ils ne mentionnent même pas, ils vont jamais mentionner cet aspect-là. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, parmi eux, il y en a qui ont cet aspect-là de shirk dans leur pratique ou dans leur croyance. Donc il y a ça, et en même temps, c'est du fait que, comme par exemple, le shirk qui est pratiqué par certains d'entre les musulmans, eh ben c'est pas de mettre une idole, mais c'est de mettre une tombe, ou de mettre une autre chose à la place, et de dire que ça c'est pas shirk parce que c'est pas une idole. Donc c'est de cette façon-là qu'il essaie de s'enfuir de parler du tawhid. Et il y a un autre point aussi, à ce sujet-là, si je me rappelle, si j'arrive à me souvenir, yani lorsqu'il parle comme j'ai dit tout à l'heure, il mentionne que aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus d'idoles que les gens adorent, parmi les musulmans, il n'y a pas qui adore des idoles, il mentionne qu'il y en a qui vont aimer les beaux vêtements, qui vont aimer les grosses multinationales, qui vont acheter des vêtements de marque, et qui vont acheter des produits comme des Coca-Cola et des trucs de ce genre. Et il s'imagine que ça c'est les exemples du shirk moderne, actuel. Alors qu'il y a encore des musulmans ou des non-musulmans, il y en a des gens qui se disent musulmans, et il y a des non-musulmans aujourd'hui, qui continuent à adorer des statues, ou des idoles, ou des saints, ou des trucs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces formes de shirk là, que considèrent comme étant des formes de shirk naïves ou anciennes, eh bien elles existent encore de plus en plus dans différentes sociétés dans le monde actuel. Donc, mais malgré tout on remarque qu'ils n'en parlent presque pas, comme si ça n'existait pas. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours en parler, et comme j'expliquais, pour revenir là où on était rendu, c'est qu'il n'y a pas plusieurs monothéismes, mais il n'y a qu'un seul monothéisme, une seule religion monothéiste, et c'est l'islam. Toute autre religion en dehors de l'islam n'est pas monothéiste, parce que dans un point ou dans un autre, ils font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration ou dans les croyances. Donc j'ai dit comme par exemple, comme le frère il disait, il y en a qui adorent les tombes et tout, eh bien il y en a parmi les musulmans qui ont aussi des croyances par rapport à certains êtres humains, ils croient qu'ils ont des connaissances de l'invisible, ou bien ils croient que par exemple, comme ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala est dans toutes choses et qu'il est partout, comme les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, que tout ce qui existe est Allah, et que Allah est toute chose ou en toute chose, ça c'est des formes de shirk également. Donc c'est pour ça que, en fait, même cette croyance-là, c'est à la base de tous les formes de shirk qui existent, des autres formes de shirk qui existent, parce que souvent les hindous et les bouddhistes, ils se battent sur cette shubha pour justifier leur adoration des idoles et des statues, parce qu'ils disent que Dieu est à l'intérieur de ces statues. Et même les chrétiens, ils se basent sur ça pour justifier le fait qu'ils adorent Jésus, parce qu'ils disent Dieu est à l'intérieur de Isa, Ibn Maryam, mais donc on n'adore pas Isa, on adore Dieu qui est à l'intérieur de Isa. Et ceux qui adorent les idoles, ils n'en adorent pas, et les idoles en adorent Dieu qui est à l'intérieur de l'idole. Donc ça c'est des exemples de shubuhat que les mushrikines utilisent pour essayer de faire justifier le shirk, et il y en a des soufis qui ont repris cette shubha et qui ont essayé de l'appliquer et d'interpréter l'islam à la lumière de cette philosophie des mushrikines, des autres religions, et d'essayer de rendre cette idée-là islamique, qu'est-ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est-à-dire de croire que tout est Dieu, et que Dieu est tout. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un shirk, il n'y a pas de doute que c'est un principe qui est contraire au fondement de l'islam. Donc, comme le shirk il dit, وفي رواية إلى أن يوحد الله لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية لأنها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة ليس المقصود منها اللفظ فقط بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بل لا بد أن يوحد الله في العبادة أما إذا نطق بها بلسانه ولم يوحد الله في العبادة فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ il dit quoi? Il dit, dans une des narrations, on trouve que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, on doit les appeler au fait qu'ils doivent unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le Cheikh a mentionné cette autre narration-là? C'est parce que c'est une explication ou une interprétation du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire, ça nous donne la signification de la ilaha illallah. Et qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah? C'est en fait le tawhid, l'unicité d'Allah, d'unifier Allah et de rendre toute notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. que toutes les formes d'adoration qu'on fait, on les fait uniquement pour Allah seul et pour personne d'autre en dehors d'Allah. Donc, le cheikh il dit que ça, ça veut pas juste dire de dire la parole, de dire la ilaha illallah. Si tu fais juste répéter la parole, comme un perroquet, la ilaha illallah, sans le comprendre et sans l'appliquer dans tes adorations et dans ta pratique, eh bien, ça n'a aucune signification, ça n'a aucune valeur. C'est pas juste de répéter une parole sans comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils prennent uniquement ils prennent uniquement le fait de répéter cette parole sans même comprendre le sens de qu'est-ce que ça veut dire. Et quand tu leur dis qu'est-ce que vous faites, c'est shirk. S'ils adorent des awliya ou ils prient des morts et ils leur demandent des intercessions et ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah, hein, ou bien ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses dans cette dunya après sa mort, eh ben ils disent, si on leur dit qu'est-ce que vous faites, c'est shirk, hein, ils disent mais non, c'est pas shirk, on n'est pas des mushrikines, on a dit la ilaha illallah. Tu vois la contradiction. Parce que s'ils avaient compris la ilaha illallah, ils n'auraient pas évoqué autre qu'Allah. Ils n'auraient pas demandé à autre qu'Allah. Hein? Donc, comment tu peux dire la ilaha illallah, puis ensuite venir faire le contraire de la ilaha illallah? Exactement. C'est une preuve qu'ils n'ont rien compris à cette parole-là. Hein? C'est comme si, par exemple, comment je pourrais dire, exactement, si tu dis de cette façon-là, tu forces quelqu'un de cette façon, bon, ça va pas être sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Donc si tu vois un kafir, tu le prends, tu lui mets un fusil au bord de la tête, et tu lui dis, dis la ilaha illallah, sinon je te tue. Ben c'est ce qu'il va nous dire pour sauver sa peau, hein. Et même un musulman, s'il se fait attraper par un kafir, un chrétien ou un juif ou un idolâtre, et que le mécréant, il le prend avec une arme, il le met au bord de sa tête, puis il lui dit, dis que tu adores ou que tu prends, que ton Dieu c'est notre idole ou notre, ou Jésus, ou dis que tu crois que Jésus c'est Dieu, et qu'il te met ça au bord de la tête, le fusil au bord de la tête, et que toi tu le dis parce que tu veux sauver ta peau, eh ben c'est pas considéré comme étant kofre, hein, parce que tu as été contraint. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra, hein, celui qui l'a dit sans être sous la contrainte d'un mécréant, qui l'a dit de son plein gré, celui-là il est kafir. Mais celui qui l'a dit sous la contrainte, comme Ammar ibn Yasir, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines, ils ont tué devant lui son père et sa mère, et après, ils lui ont dit d'accepter ou de dire qu'ils croyaient en leurs idoles, et il l'a dit parce qu'il avait peur de mourir, et il est allé voir par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un lui demander pourquoi il ne venait plus, puis il a dit, ben, j'ai accepté de dire que je croyais en leurs idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il l'a dit, est-ce que tu avais la foi dans ton cœur qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Il a dit oui. Donc dans ce cas-là, tu n'étais pas un mécréant, tu étais un croyant parce que tu l'as dit sous la contrainte. Et donc la contrainte, Aina, il lui a dit, s'ils te le font encore, s'ils t'attrapent encore puis ils te forcent à le dire encore, redis-le. C'est-à-dire que sous la contrainte, tu peux prononcer même des paroles de kofre pour sauver ta vie, parce que tu es contraint et tu n'as pas le choix. Donc c'est pour te dire à ce sujet-là. Mais c'est comme on disait que si quelqu'un dit la ilaha illallah, juste prononcer les lettres sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire, eh ben ça n'a pas de valeur. C'est comme si tu écris le shahada en lettres latines, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis tu donnes ça à un non-musulman, un hindou, ou un bouddhiste, ou un chrétien, ou un Krishna, ou n'importe quelle croyance, hein, tu lui dis, répète ces paroles. Et il le répète, il dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais tu lui dis pas qu'est-ce que ça veut dire, puis tu lui expliques pas qu'est-ce que ça implique, et que tu lui donnes pas non plus aucune chose à propos de sa signification, et qu'il le dit. Est-ce que vous pensez que ça va le sauver au jugement dernier? Est-ce que vous pensez que par la suite il va changer quelque chose dans sa croyance ou dans sa vie parce qu'il l'a répété? Non. Eh bien, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est comme ça. Ils répètent la ilaha illallah comme si on avait fait lire ces paroles-là à quelqu'un qui connaît pas l'arabe, parce que c'est ça la différence aujourd'hui, c'est que les gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait de dire la ilaha illallah à cette époque-là, c'était des arabes qui comprenaient parfaitement l'arabe, dans toutes ses significations et dans toutes ses implications. Et dans le contexte également de l'époque et de l'histoire, par rapport à qu'est-ce qu'ils faisaient comme qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme religion, qu'ils adoraient des idoles, qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dire « Dites la ilaha illallah », ils ont pris ça comme une attaque pour leurs idoles. Ils ont refusé de le dire, parce qu'ils avaient compris ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, il y a des gens, des musulmans, qui invoquent Sidi un tel, ou Sayyid un tel, toutes sortes de noms qui existent dans les pays musulmans, des tombes et des endroits qui ont été, où des saints ont été, ou des hommes pieux, ou soi-disant des hommes pieux ont été enterrés, et quand ils ont des détresses, des malheurs, des besoins, des dangers, qui ils vont implorer dans ces moments-là? Ils vont implorer ces hommes et ces femmes pour chercher de l'aide au lieu de demander à Allah seul. Donc, ça prouve qu'ils n'ont pas compris encore le témoignage de la ilaha illallah, et c'est pour ça que c'est très important de leur faire comprendre, inshallah, et de leur enseigner la signification de la ilaha illallah. Donc, le cheikh, il dit qu'il ne faut pas juste le dire avec la langue, mais il faut aussi l'appliquer, c'est-à-dire abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et adorer Allah seul. وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مبعوث إلى العالم كله بما فيهم أهل الكتاب كما كتب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم وكما كتب للمقوقس ملك مصر وكما كتب لكسرى ملك الفرس وكما كتب لملوك الأرض لأن الله أرسله إلى الناس عامة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Donc, le cheikh dit que dans cette partie-là du hadith, du fait qu'il a envoyé Mu'az à des gens du livre, il y a dans ça la preuve que le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un message général et universel à tous les peuples de la terre, y compris les gens du livre, à tout le monde. C'est pas comme certains qui aujourd'hui qui disent « Parlez pas de votre religion aux gens, arrêtez d'appeler les autres à votre religion, parlez pas aux chrétiens de l'islam, parlez pas aux juifs de l'islam, parlez pas aux non-croyants, aux athées de l'islam, gardez votre religion pour vous, arrêtez de parler de votre religion aux autres, chacun sa religion. » C'est à ça qu'ils appellent aujourd'hui. Donc ils essaient de dire « chacun a sa croyance, chacun a sa religion et chacun doit garder sa propre croyance pour lui-même et de ne pas embêter les autres avec ses croyances. » Mais les croyances, ce n'est pas des choses qui sont figées comme ça dans le béton et que tu dis quelqu'un a droit à croire à ce qu'il veut, et qu'on ne doit pas corriger les erreurs des gens lorsqu'ils font des erreurs dans le domaine de la croyance. Parce que ta croyance, elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait que c'est important de faire en sorte que ta croyance soit vraie. Et pour savoir si ta croyance est vraie, il faut qu'elle soit basée sur une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est correcte et qui n'a pas été modifiée. D'accord? Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui suivent la vérité et les gens qui suivent le mensonge dans les questions de croyance. D'accord? Et donc c'est pour ça, et le cheikh il donne comme exemple le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit des lettres à la plupart des dirigeants de son époque, comme le roi l'empereur de la Rome, à cette époque-là, l'empereur de Rome, c'était Héracle, en arabe Héracle, mais en français c'est Héraclès, oui, à chaque fois je me mélange, et Moukaukas, c'était le roi de l'Égypte à l'époque, et il y avait Kisra, qui était l'empereur de la Perse à l'époque, et à tous les autres rois des environs à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un messager pour lui faire connaître le message de l'islam. Donc ça prouve que le message de l'islam c'est pour tous les peuples sur la terre, c'est pas seulement pour les arabes à cette époque-là. Et comme il y a beaucoup de régions actuellement dans le monde qui sont actuellement où les gens parlent la langue arabe et où les gens ont la religion musulmane, mais à cette époque-là, ils étaient des mouchriquines. Ils adoraient des idoles, ils adoraient des saints, ils adoraient des hommes pieux, ils adoraient les étoiles, ils adoraient la lune. Hein? Al-Farisi. Non, l'histoire de Salman al-Farisi, qui était un Perse, comment il a été guidé à l'islam? Avant de trouver l'islam, il est passé par le judaïsme, il est passé par le christianisme, et après Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à l'islam. Et donc c'est pour vous faire voir que le message de l'islam c'est pour tous les peuples. Il y avait, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui venaient de l'Éthiopie, des Noirs, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, il y avait des gens de différentes régions du monde qui avaient accepté l'islam, même des Romains et des gens d'autres régions. Donc c'est pour dire que l'islam c'est une religion pour tout le monde, pour tous les peuples, universel. Donc quand tu dis par exemple aujourd'hui il y a des gens dans certaines régions des pays musulmans qui ont été trompés par des missionnaires ou par d'autres personnes qui ont appelé les peuples musulmans durant la colonisation au lieu de se référer à leur histoire islamique, de se référer à leur histoire pré-islamique. Hein, ils ont fait ça en Turquie, ils ont fait ça en Iran, ils ont fait ça différents pays arabes, ils ont fait ça au nord de l'Afrique, de dire aux gens, regardez avant l'islam, qu'est-ce que vous étiez ci, vous étiez ça. Hein. Et donc ils essaient de faire en sorte que les gens se retournent à leur histoire pré-islamique où lorsqu'ils étaient dans le shirk, lorsqu'ils étaient dans l'idolâtrie. Ouais, c'est ça, c'est des exemples comment ils essaient de tromper les gens, comme il y a des chrétiens comme ça, ils disent « Ah, l'islam c'est la religion des arabes hein, » et ils disent « Ah non, nous on préfère les christianistes, ça c'est pas la religion des arabes ». Mais, parce qu'ils ont une Bible maintenant qui est traduite dans toutes les langues dans le monde, sauf que la Bible, l'original, les textes originaux de la Bible ne sont pas écrits en toutes ces langues-là. Il y avait une langue originelle, soit l'hébreu, l'araméen ou le grec. C'est dans ces langues-là que les textes originaux sont écrits aujourd'hui. Hein? Et Jésus, il était un araméen, parlait la langue araméenne. Donc tu peux pas dire quand même que, je veux pas suivre une religion dont le prophète n'était pas de mon peuple à moi. Ça c'est comme l'attitude des, il y a un peu de l'attitude des juifs qui ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'était pas un hébreu ou un de leur peuple, parmi les fils d'Aïnam, c'est l'orgueil. Et regardez bien comme il faut, si vous retournez, vous dites par exemple, ok, peut-être à un certain point dans l'histoire, tel ou tel peuple n'était pas musulman, puis par la suite les musulmans sont venus, puis ils se sont convertis à l'islam, d'accord? Donc ils disent, ok, ces gens-là, ils nous ont convertis à l'islam, avant on n'était pas musulmans. Mais avant que ce peuple-là soit à cet endroit-là et qu'il ait la pratique ou la croyance qu'il avait à cet endroit, à cette époque-là. Il vient de où ce peuple? De Adam et Ève. On vient tous d'Adam et Ève. Peu importe. Et Adam et Ève, c'était quoi leur religion? C'était l'islam, c'était le tawhid. Donc à l'origine, la religion de tous les hommes, c'est l'islam, c'est le tawhid. La religion de Noé, c'était quoi? C'est l'islam, c'est le tawhid. C'est par la suite que le shirk s'est introduit, puisque les hommes se sont divisés en différents peuples et en différentes religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا. On vous a divisé en peuples et en nations, hein, pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres et vous apprécier les uns les autres, pas pour vous penser un plus supérieur à l'autre ou pour vous dénigrer l'un les autres, mais l'important, c'est que vous compreniez que peu importe votre coutume, votre langue et autres, à la base, la religion qui vous a été commandée de suivre, c'est d'adorer votre Créateur lui seul et de suivre le messager qui vous a été envoyé, peu importe hein, l'histoire ou les trucs qui ont pu se passer ou se produire par la suite pour vous détourner du message de qu'est-ce que Allah vous a envoyé par le prophète. Donc des fois les gens se laissent tromper par des discours, toutes sortes de discours politiques ou autres, et ils oublient à la base de revenir au fondement et au principe de base. Hein. Et donc, alhamdoulilah, il y a cette semaine, je pense, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fichier. Le nom de la personne n'était pas écrit, mais bon, c'était une histoire, machallah, c'était très intéressant, d'un musulman qui était en Algérie, qui, on lui a présenté le christianisme, donc il a été séduit par le christianisme au début, il s'est converti au christianisme, puis il a commencé à étudier de plus en plus le christianisme, pendant 3 ans il a lu la Bible, il a étudié tout ça, puis il a commencé à réaliser qu'il y avait des contradictions dans cette religion-là, puis il a commencé à redécouvrir l'islam, à relire le Coran et la Sunna, il a dit, ben, moi j'avais jamais connu vraiment le vrai islam, c'est pour ça que là quand il a relu le Coran, il a relu les textes et tout, là c'est comme s'il a réappris l'islam à nouveau, et là il a compris, il a wa alaykum salam wa rahmatullah, alhamdulillah, hamza, mashallah, non ça va, barakallahu fik. Donc c'est comme s'il a réappris à apprécier la réalité et la valeur de cet islam par la suite. Donc c'est pour ça, mashallah, min al-dhulumat ila an-nur. Et donc moi j'ai été vraiment touché par cette histoire-là, puis ça m'a un peu fait penser moi-même à mon histoire, comment j'ai été converti à l'islam au début. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Le retransmis là, Allah musta'an. Donc c'est ça les exemples, et le cheikh il dit des versets comme le verset 28 dans Surat Saba qui dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme nous t'avons envoyé pour tous les hommes, c'est-à-dire nous t'avons envoyé vers tous les hommes en entier, comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. » Et il y a un autre verset qui dit « La rahmatan lil alamin » comme une miséricorde pour les mondes. Et il mentionne un autre verset qui dit dans Surat Furqan, que béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, c'est le discernement, c'est le Coran qui est le discernement entre la vérité et le mensonge, sur son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes, c'est-à-dire pour tous les êtres humains, les djinns et yani. Donc ça c'est une preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tout le monde. Ok. وقوله فإنهم أطاعوك لذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعملوا بمقتضاهما نعم وعملوا بمقتضاهما فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وهذا الركن الثاني لما حقق الركن الأول أو حقق الركن الأول والأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة، فمن لم يصلي فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما دلت على ذلك الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وغيره من الأدلة. الشيخ يكسبليك إسي بارسوت إلدي si ils t'écoutent et ils t'obéissent dans ça, c'est-à-dire dans le fait que tu dois adorer Allah seul, tu dois juste adorer Allah subhanahu wa ta'ala, si ils t'écoutent et qu'ils te suivent dans ça, alors maintenant explique-leur qu'est-ce qui suit, c'est-à-dire qu'ils doivent établir 5 prières par jour et une prière durant la nuit, c'est-à-dire la prière de Subh. Donc le cheikh il dit que ça c'est le deuxième pilier, donc c'est pour montrer qu'une fois que tu as respecté et établi le premier pilier qui est la ilaha illallah, maintenant tu peux leur expliquer le deuxième pilier, c'est-à-dire la salat. Et ça, ça nous montre l'importance de la salat, et ça nous montre également que ça vient tout de suite après le tawhid, parce que c'est notre relation avec notre créateur, c'est notre façon comment on l'adore, d'accord. Et le cheikh il dit que ça, ça montre aussi que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, même s'il dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, comme cela a été établi et prouvé par plusieurs preuves. Comme le hadith qui dit qu'entre le serviteur et la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la prière, l'abandon de la salat. Et ça, ça fait partie des preuves, et il y en a d'autres, comme le cheikh explique. Toutefois, bon, ça c'est une des positions des ulama, parmi les positions des ulama au sujet de l'abandon de la prière, que celui qui ne prie pas, il est considéré comme étant kafir. Toutefois, le jumhur, la majorité des savants de l'islam, ils considèrent que celui qui abandonne la prière par paresse, par négligence, il n'est pas kafir, tant qu'il reconnaît son obligation. Celui qui est kafir, c'est lui qui nie complètement l'obligation de la salat. Celui qui nie pas l'obligation de la salat, mais qui la néglige et qui la fait pas par paresse, celui-là, il est un fasiq ou un mauvais musulman. Et il doit faire tawba, il doit commencer à appliquer la salat. Donc ça, c'est une divergence d'opinion à ce sujet-là. Toutefois, on doit toujours garder en considération qu'il y a quand même une grande menace pour celui qui lève la prière dans ce hadith qu'on a mentionné, que entre la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la salat. C'est-à-dire, si on met de côté ce que les ulama ont dit sur la question du khilaf entre celui qui abandonne la prière par paresse ou non, juste en prenant considération ce qui est mentionné dans ce hadith qui est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une menace suffisamment grande pour faire comprendre à n'importe qui le danger d'abandonner la salat. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ هذه هي الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. Le cheikh il dit que si par la suite ils ont accepté la salat, alors ensuite tu vas leur dire que Allah leur a ordonné de donner une somme d'argent qui est pris des riches d'entre eux pour être distribué à ceux d'entre eux qui sont pauvres. Et le cheikh il dit que ça c'est la zakat. Et c'est, disons, c'est toujours mentionné dans le Coran accompagné de la salat. Chaque fois que tu vas lire dans le Coran des versets tu dis, où Allah dit « wa aqimu salat » tout de suite après « wa atu zaka » comme si ces deux-là sont des compagnons, il ne faut pas se séparer, d'accord. Donc c'est pour montrer aussi l'importance de la zakat. Et le cheikh il dit que ça fait partie donc de l'islam, et c'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. تؤخذ من أغنيائهم في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير وإنما تجب على الغني وهو من يملك النصاب فأكثر. الشيخ الزي ك quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit on prend cet argent là du riche, ça c'est la preuve que la zakat n'est obligatoire que pour les personnes qui sont riches et non pas pour la personne qui est pauvre. La personne qui est pauvre n'est pas obligée de payer la zakat. Et la personne qui est obligée de payer la zakat, c'est celui qui est riche et qui a en sa possession la valeur du nisab ou plus que cette valeur-là. Le nisab c'est quoi? Le nisab c'est le minimum qu'une personne possède comme une somme d'argent. À partir de ce montant-là, à partir de ce montant-là ou plus, alaykoum salam wa rahmatullah, eh bien c'est obligatoire de payer la zakat. Et le nisab actuellement, ici, si on le calcule en dollars canadiens, c'est approximativement 1 500 $ le nisab. C'est-à-dire en bas de 1 500 $, t'es pas obligé de donner rien. Ok, ça c'est le nisab. Et il faut que cette somme d'argent-là, elle soit restée en ta possession pendant un an au complet. D'accord? Et qu'est-ce qu'on donne de cette valeur-là? C'est 2,5% de la valeur de, si par exemple tu as 1500, tu vas donner, de 1500, tu vas donner 2,5%. Si tu as 100 millions, tu vas donner 2,5% de 100 millions. Ok? Donc c'est un exemple. Et tu le donnes aux pauvres. Après, qu'est-ce qu'il dit? الشيخ الذي فترد على فقرائهم وهذا فيه مصرف من مصارف الزكاة فالفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الشيخ الذي ك on doit la remettre aux pauvres cette zakat et les pauvres c'est une parmi les catégories parmi les 8 catégories qui sont mentionnées dans le Coran, à qui on a le droit de donner la zakat. Hein? Ça c'est un verset dans Surat Tawbah, il mentionne 8 catégories de personnes à qui on a le droit de donner la zakat. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاكِينَ les fuqara, les pauvres, والمساكين, les nécessiteux, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, وَفِي الرِّقَابِ les esclaves, qui veulent acheter leur liberté, tu peux leur donner la zakat pour les aider à se libérer. والغارمين, ceux qui sont endettés, qui ont une grosse dette. وفي سبيل الله, ceux qui sont dans le chemin d'Allah. Il y en a qui ont dit que c'est les voyageurs, il y en a qui disent que ce sont aussi les ulama, pardon, les tulab ilm, ceux qui partent pour aller chercher la science. Fi sabilillah, ou bien les mujahidin, ceux qui font partie pour élever la parole d'Allah, pour combattre dans le chemin d'Allah, ou bin sabil, c'est les voyageurs. Donc ça c'est parmi les exemples qui sont mentionnés dans ce verset-là, je ne sais pas si j'en ai oublié, en tout cas, c'est juste pour dire, si vous voulez voir, c'est dans Surat al-Tawbah, vous pouvez retourner. Un sans-abri, ouais, s'il est musulman, ouais, c'est un pauvre, ça fait partie des pauvres. Non, même pas la zakat à des non-musulmans. Donc, ah oui, qu'est-ce qu'il dit ensuite? واستدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على الفقراء ويدخل فيهم المساكين واستدل به أيضا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من البلدان من أو من بلدان المسلمين. Le cheikh, il dit que les ulama ont utilisé ça comme une preuve, ce hadith-là, les paroles qui parlent de la zakat dans ce hadith, ils ont utilisé ça comme preuve pour dire que c'est interdit de donner la zakat à quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche. Et que quand tu veux donner la zakat, tu peux te limiter à une seule des catégories parmi les 8 catégories qui sont mentionnées. Tu n'es pas obligé de donner à chacune d'entre ces catégories-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il s'est limité à mentionner une de ces catégories-là, c'est-à-dire les pauvres. Et donc, dans les pauvres, dans les fuqara, on peut inclure al-masakin, hein, al-masakin, les nécessiteux. Et le cheikh dit qu'également, les ulama, ils ont utilisé ça comme une preuve aussi pour dire que on n'a pas le droit de distribuer la zakat des gens qui habitent dans une ville ou dans un pays, pour le donner à des gens qui habitent dans un autre pays, excepté si il y a personne dans ce pays-là qui en a besoin. C'est-à-dire si tout le monde, si dans un certain pays il n'y a pas de pauvres, on a cherché pour la donner à tout le monde dans cette région-là, personne ne l'a accepté parce que tout le monde a ce qu'il lui faut. Dans ce cas-là, tu la transfères ou tu la distribues à un pays qui est plus proche de ce pays, au pays qui est le plus proche parmi les pays qui entourent ce pays-là. C'est-à-dire tu le distribues aux musulmans qui sont dans le pays avoisinant. D'accord ? فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم والكرائم جمع كريمة وهي النفيسة من المال يعني لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال لأن هذا فيه إجحاف بهم كما أنك لا تأخذ أرض المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء ولكن خذ المتوسط بين النفيس وبين الرديء هذا هو العدل وإن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء وإذا أخذت الوسط اعتدلت الشيخ الزي ك على فهم الحديث البروفيسور رسام il a dit et prends garde de ne prendre le meilleur de parmi leurs biens. Donc le cheikh il explique que le mot qui est utilisé c'est karaim et c'est le pluriel de karima et ça veut dire le meilleur d'entre eux, les biens qu'il possède, les plus beaux ou les meilleurs, les plus dispendieux. Et donc tu prends pas le meilleur de leurs biens et tu prends pas non plus le plus mauvais, c'est-à-dire les moins bons parmi les biens qu'il possède. Tu essaies de prendre qu'est-ce qui est entre les deux. Pas le meilleur, mais pas le pire en même temps. Parce que si tu prends ce qui est le meilleur, tu fais une injustice envers le riche, et si tu prends ce qui est pire, eh ben tu fais une injustice envers le pauvre. Donc tu essaies de faire quelque chose qui est entre les deux, c'est-à-dire pour être juste. Hein? Et le cheikh dit « وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ تَحْذِيرٌ مِنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِيهِ وُجُوبُ الْعَدْلِ عَلَى الْوُلَاتِ وعدم الظلم واتق دعوة المظلوم هذه وصية هامة يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان كافرا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل والله جل وعلا يجيب دعوة المظلوم للشيخ الزي quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit prenez garde de prendre le meilleur de leurs biens, ça c'est un avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça nous indique qu'on doit être juste et ça c'est une indication pour les dirigeants de ne pas faire de l'injustice. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « et craignez l'invocation de l'opprimé ». Et donc, dans ça, il y a une indication très importante pour tout le monde, pour tous les musulmans, les dirigeants et le peuple également, entre eux, et tout le monde, tout musulman en général aussi, de ne pas faire de l'injustice et également il y a un avertissement que de faire attention à l'invocation de l'opprimé, parce que si tu opprimes quelqu'un, sache que son invocation va être exaucée contre toi, d'accord. Il n'y a pas de barrière ou de voile entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si c'est un kafir, même si c'est un non-musulman qui fait son invocation contre toi parce que tu l'as opprimé, eh bien, elle sera exaucée. Et donc, tu te mets dans une mauvaise position vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il mentionne le verset 5 dans Surat al-Ma'idah qui dit « Et ne fais pas ta haine pour un peuple te pousser à faire de l'injustice envers eux. Sois juste, ça c'est plus proche de la piété. » Aqrabu littaqwa, hein. Donc ça veut dire que le musulman il doit être juste envers tout le monde, même envers le kafir. Ok. Et après il dit fal mazloum turfa'u da'watuhu ila Allah. L'opprimé, son invocation est élevée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répond et exauce l'invocation de l'opprimé. Et ça c'est pour nous faire comprendre que il faut être juste même envers le kafir. Et si le kafir est injuste envers nous, c'est pas une excuse ou une raison valable pour que nous-mêmes on soit injuste envers eux. D'accord? Parce que c'est pas pour dire on remet le mal pour le mal ou l'injustice par une injustice. D'accord? Le cheikh il dit ensuite, c'est pas si on a le temps de terminer juste deux petits paragraphes. Le cheikh il dit وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أركان الشهادتان والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام ولم يذكر الحج فما الجواب عن هذا؟ وفيه أجوبة كثيرة ولكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتل من تركها أو يقاتل من تركها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة. قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا إلى آخر الآية. يعني شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تابوا يعني شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليها أو يقاتل عليها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وهي هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذه أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها، أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب على كل أحد وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا، وأيضا إنما يجب مرة في العمر بخلاف الشهادتين، فإن الإنسان يلازمها طول الحياة ولا يتخلى عنها. والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة كل عام. أما الحج فإنه يجب مرة واحدة في العمر ولا يجب إلا على المستطيع. أما الصيام فلأنه أمر خفي، وأيضا من حافظ على الشهادتين وأقام الصلاة وأتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى. Donc le cheikh il pose une question, il dit, il y a des ulama qui ont posé une certaine question à propos de ce hadith. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement mentionné deux parmi les piliers, le shahadatayn, la salat et la zakat. Trois piliers il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas mentionné le jeûne ni le hajj. Donc comment on peut répondre à cette question-là? Pourquoi il n'a pas mentionné les deux autres? Et le cheikh il dit, il y a eu beaucoup de réponses qui ont été données à ce sujet-là, mais parmi les réponses les plus importantes, ou la réponse la plus correcte, celle qui a été choisie même par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est limité aux piliers qui sont les plus grands et les plus importants, ou les piliers fondamentaux. pour lesquels on doit combattre celui qui l'abandonne. Il donne l'exemple du shahadatan et de la salat et de la zakat. Et il mentionne le verset 5 dans surat At-Tawbah qui dit « Et lorsque les mois sacrés seront terminés, combattez les mouchriquins là où vous les trouvez, prenez-les et encerclez-les et guettez-les dans les toutes les contrées, guettez-les et s'ils se repentent, c'est-à-dire s'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors dans ce cas-là, laissez-les passer, ou laissez-leur libre, laissez-leur leur liberté. Et le cheikh il dit donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il a uniquement mentionné la zakat et la shahadatayn, la salat et la zakat. Et c'est les piliers au sujet desquels on doit combattre si quelqu'un les a abandonnés parmi les musulmans. Il dit un deuxième aspect, ou une deuxième façon qu'on peut expliquer pourquoi on n'a pas mentionné les deux derniers piliers de l'islam dans ce hadith, c'est que c'est les piliers qui sont apparents. C'est-à-dire, la salat et la zakat, c'est deux piliers qui sont apparents. Tandis que les gens peuvent les voir, ces piliers-là. Tandis que les autres piliers, comme le jeûne, ben ça, le jeûne, c'est une chose qui est cachée. Quand quelqu'un jeûne, tu peux pas le voir qu'il jeûne. C'est entre lui et son créateur. D'accord? Si quelqu'un est en train de jeûner maintenant, personne peut savoir, à moins que quelqu'un est en train de, il va lui dire, moi, je suis en train de jeûner. Sinon, personne peut savoir qu'il jeûne. Donc, c'est une chose qui est secrète. Et le hajj, c'est pas obligatoire à tout le monde. C'est uniquement obligatoire pour celui qui a les moyens, qui est capable de le faire. Et en même temps aussi, c'est uniquement obligatoire une fois dans la vie de quelqu'un. Et donc, c'est pas comparable aux autres piliers comme le shahadatayn, que tu prononces à chaque moment dans ta journée, ou par exemple, la salat que tu fais 5 fois par jour, et la zakat que tu fais à chaque année. Donc, on voit qu'il y a une différence entre ces trois piliers-là et les deux autres qui suivent. C'est pour ça que le cheikh dit que c'est pour ça que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uniquement mentionné ces trois piliers-là sans mentionner le jeûne et le hajj, wallahu a'lam. Donc il dit également celui qui respecte la salat et la zakat et qui respecte le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et bien c'est certain qu'il va faire le jeûne et qu'il va faire le hajj. Tandis qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui font le jeûne ramadan mais qui ne font pas la salat et qui ne payent pas la zakat. Hein. Donc c'est des exemples de cet aspect-là aussi pour comprendre pourquoi dans ce hadith on s'est limité à mentionner uniquement ces deux piliers-là parmi les piliers de l'islam, ces trois piliers parmi les trois piliers de l'islam. Donc on va s'arrêter ici pour tout de suite et puis on continuera Inch'Allah samedi prochain à expliquer qu'est-ce qui suit dans ce chapitre bi'idhnillah. Ok, on fait qu'on barak Inch'Allah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Ok, c'est, là on est dans le chapitre 5 et le titre de ce chapitre c'est Bab al-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. D'accord? Ouais, Kitab al-Tawhid. Non, ça c'est Kitab al-Tawhid. Donc, on lit avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan, encore une fois. Oui. Donc, on est chapitre 5. Ok? Barakallahu fiki akhi. Ok, là pour maintenant, c'est jusqu'à ce qu'on change l'heure, ça va rester après l'Asr, Inch'Allah. Puis après le changement de l'heure, on va le faire après le Maghrib. Parce que bientôt, à la fin du mois d'octobre, je pense le 28 octobre, on va changer l'heure. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Le mercredi, ça va être aussi la même chose, même horaire, sauf que le sujet, c'est pas le même. D'accord? Donc, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك